Les médias et les sites d'internet de divers pays comme Égypte, Chine, Brésil, Japon, Pologne, Congo démocratique et Allemagne ont présenté les 16 et 17 les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée aux questions du journaliste de l'Agence télégraphique centrale de Corée sur la suspension de l'affaire d'enlèvement collectif des citoyennes nord-coréennes par les autorités sud-coréennes.